Section 68 de la lecture, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 3e. Section 68. Un vieux par Pierre Loti. Chapitre 11. Une année, il y eut un avertissement qui lui fit très grande peur. En rêve, une nuit, il passait dans une de ces mers profondes, où on ne s'attend à rien voir. La surface en était si tranquille qu'on eût dit une plaque de marbre gris, immense, comme un désert. C'était au crépuscule, lui étant de veille à l'avant d'un navire. À ses pieds dormait une femme asiatique, dont il savait le nom, Nam Te, et qu'il se rappelait avoir connu autrefois et ailleurs. Il glissait mollement, sans inquiétude et sans bruit, mais tout à coup, là, très près, avait surgi de ces choses qu'on appelle balises ou signales et qui marquent aux marins les dangers invisibles de dessous les eaux. Dans la vie réelle, en plein jour, il avait eu, 30 ans auparavant, une surprise semblable. Il conduisait alors une jonque dans une de ces rivières de l'Indochine qui serpentent pendant des lieues et des lieues au milieu de plaines d'arbustes verts, au sol de boue, inhabité et inhabitable, plus monotone et plus morte qu'une mer sans navire. Partout, la verdure empoisonnée des régions basses de l'équateur était jetée, comme une magnificence trompeuse, sur la désolation des grands marais. Lourdeur de l'air, lourdeur irrésistible de midi, il s'était laissé vaincre et sommeillait presque, les yeux toujours ouverts à cette lumière effrayante et splendide. Près de lui dormait une Cambodgienne, Nam Tu, qui à cette époque était sa femme. Tout à coup, à un tournant de l'étroite rivière, des balises étaient apparues. Elles étaient trois de compagnie, trois triangles rouges, montés au bout de hautes perches, se dressant comme pour dire « Méfiez-vous, il y a un danger sous l'eau calme. » Le banc de corail, c'était le lieu que par une sélection mystérieuse, des peuplades de Marépor avaient voulu habiter. Et depuis des siècles, ils y avaient accumulé leurs milliers de cellules de pierre. On l'avait averti de ce banc, unique dans tout ce parcours, mais il ne l'attendait pas si près, et il avait eu peur. Qu'ils étaient déjà loin, ces souvenirs, loin dans l'espace et dans le temps, perdus au fond du passé mort. Souvenirs de soleil et de vie, qu'est-ce qui avait bien pu les attiser ? Une nuit pluvieuse d'hiver, dans les cendres de cette vieille tête déjà creuse, pour en faire cette dernière vision, sénile et déformée. Les balises qui avaient surgi tout à coup au milieu de cette mer grise de son rêve étaient très nombreuses. Elles étaient accumulées, comme pour quelque danger surnaturel et indicible. Elles affectaient toutes sortes de formes étranges et inconnues. Au bout de perches très longues, elles se déployaient comme des bras, faisaient des signes, s'agitaient avec l'impuissance désespérée de choses muettes qui voudraient crier et tracer sur le ciel pâle des écritures magiques. Et lui se réveilla, pris d'une terreur profonde, comme à l'approche des choses fatales qui ne peuvent pas être conjurées. Il allait donc être bien affreux, l'écueil qui s'était annoncé de cette manière. Il pensa que cela signifiait sa mort. Cependant, l'année s'écoula sans amener rien de particulier. Il y eut seulement dans ses habitudes un changement nouveau. Il était devenu très gourmand et se plaignait sans cesse que cette mère légale, sa gouvernante, choisissait mal au marché, ne lui achetait pas d'assez bonnes choses, si bien qu'un jour, il prit son petit panier lui-même, résolument, et dès lors, On commença à le voir chaque matin, dans recouvrance, s'attardant lui aussi, autour des marchandes, à discuter comme une ménagère. Propre et bien brossé dans son vieux caban de matelot, ce vêtement d'un drap inusable que les retraités promènent jusqu'à leur mort, il s'en allait encore d'un assez bon pas, ayant un certain air et de la tenue. Mais il soufflait beaucoup pour revenir. Un matin, ayant accepté de boire avec un autre ancien, comme lui, il rentra ne marchant plus très droit. Alors, pour la première fois de sa vie, il fut grondé, honteusement par une femme, par cette mère légale, qui, elle, ne mettait son bonnet de travers que le dimanche soir, et encore pas chaque semaine. Il lui arrivait aussi maintenant, et c'était un signe de la fin, de se mêler à ses retraités, qui par les temps doux se rassemblaient près des fortifications, à la porte de recouvrance. Tous les pauvres vieux cabans de marine étaient là, brossés, rebrossés, retournés, râpés, enveloppant des dos osseux, des carcasses mourantes. Ils s'amusaient ensemble au palais, aux bouchons, à des jeux comme à bord, ayant gardé de leur vie de matelot cette naïveté et cet enfantillage qui maintenant, chez ces vieillards, étaient lugubres. Ou bien, assis en petits groupes pitoyables, ils se contaient leurs histoires. Quand j'étais sur la Melpomène, et moi, à bord de la Sémiramis, un soir qu'on prenait le troisième riz, l'amiral m'avait dit « J'ai séquelle, à toi ». Il racontait en même temps, chacun causant pour soi-même, et ces navires dont il parlait n'existaient plus, et ces commandants qui revenaient dans leurs récits comme des personnages de légende, s'ils n'étaient pas morts depuis longtemps, ils étaient devenus ces tristes fantômes qui, ayant achevé une carrière admirable d'intrépidité, de dévouement et d'honneur, s'en allaient lentement par les rues, en vêtements noirs, avec une rosette rouge à leur boutonnière. Ou bien, les jours où il y avait un peu de soleil, on les roulait dans des petites voitures. Près de cette porte de recouvrance, des sentiers partaient pour s'enfoncer dans des endroits inhabités de la banlieue, le long des grands remparts en granit, pleins d'herbes et de lichens, des sentiers verts, très favorables aux amoureux, très aimés des matelots pour y promener le soir les petites filles de ce faubourg. Et justement, tous ces vieux avaient choisi l'entrée de ces chemins pour s'y réunir, faisant de ce lieu comme le vestibule d'un cimetière. Attirés par l'habitude, ils encombraient toujours de leur foule lamentable, les uns restaient propres et dignes, bien boutonnés dans leur caban éternel, d'autres sordides, hébétés d'alcool, faisant mal à voir. Et tous, ils avaient été les lestes et les forts, usés au service de la patrie, qui leur donnait de quoi ne pas tout à fait mourir. Et il y en avait eu parmi eux de si bons et de si braves que ces restes d'eux-mêmes étaient encore malgré tout des choses vénérables, presque sacrées. Vieilles ruines des vaillants d'autrefois, les jeunes passaient près d'eux, cambrés, décolletés dans leurs chemises bleues, tenant au bras leur amoureuse, ayant hâte de s'enfoncer par ces chemins d'herbe sous les ormeaux des remparts. Devant ceux-ci, la vie et la mer étaient grandes ouvertes, les appelant par toutes sortes de mirages. Ils avaient leur pleine jeunesse de matelots, plus vigoureuse que celle des autres hommes, et sans songer qu'elle s'userait aussi plus vite, sans regarder ces spectres qui avaient été leurs pareils. Ils passaient gaiement, comme des enfants ivres de santé et de force. Ils passaient le soir, à l'heure où ces vieux, à la tête branlante, regagnaient leur logis, en s'aidant dans leur marche avec des bâtons. Fin de la section 68, lue par Margot.